إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام سندخل إن شاء الله تعالى في أيام المنافسة Oh mes chers frères, nous allons إن شاء الله تعالى rentrer dans des jours de concurrence. Wal mu'minuna yatanafasuna fi kulli waqt. Les croyants se concurrencent tout le temps. Ils doivent tout le temps se concurrencer. Akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهن إلا أن يستهنوا عليه لاستهموا البخاري ومسلم cité dans leur sahih selon Abi Hurayra رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: si les gens savaient ce qu'il y a dans le nida, dans l'appel à la prière et le premier rang, puis qu'ils ne trouvent aucune autre solution que le fait de tirer à la courte paille, ils l'auraient fait. Que le fait de tirer à la courte paille. Vous imaginez les gens tous. Vous tous là, vous venez à la mosquée en même temps. Vous arrivez tous en même temps. Ça y est, qui prend le premier rang? Qui? C'est moi. Personne ne va être d'accord à ce qu'on donne le premier rang à l'autre. Comment on fait? La courte paille. En se concurrence, il faut venir le plus tôt possible. Je suis venu tout de suite après Fajr, moi. J'ai ma place. On est tous venus après Fajr. Comment on fait? La courte paille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue en disant « وَلَا يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرُ لَسْتَبَقُوا إِلَيْهُ » Et s'ils savaient ce qu'il y a dans le fait de venir tôt, ils se seraient concurrencés en cela. « وَلَا يَعْلَمُونَ مَا فِي السُّبْحِ وَالْعَتَمَ لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » Et s'ils savaient ce qu'il y a dans la prière du Subh, et Al-Atama, Al-Isha, il serait venu participer à ces deux prières même en rampant. En rampant. Pas en voiture, le confort des voitures, en vélo, tout ce qu'on a. Non, même en rampant, il vient. Pourquoi? Parce qu'il sait le grand bienfait, la grande récompense qu'il y a en cela. Lakin ayyuha al-ikhwa, at-tanafus yazdad. في الأشهر الحرم وفي رمضان لتضاعف الأعمال. Cependant, oh mes frères, la concurrence, elle augmente encore plus pendant les mois sacrés et aussi pendant le mois de Ramadan. Parce que les œuvres sont multipliées. Fennas yatana fessoun, ils se concurrencent, ils veulent la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, el kefiru minan nas, la yadruna fima tanafus. Cependant, beaucoup de personnes ne savent pas dans quoi se concurrencer. En fait, dans quoi on doit se concurrencer? Fetajidulbar, yatanafasuna fil amwal. Certains vont se concurrencer dans l'argent. C'est moi qui suis le plus riche de la mosquée de Villerue. Certains vont se concurrencer dans les enfants. Certains vont se concurrencer fil wadaif. Travail, fonction. Hatta fil azwaj, même dans les épouses. Ah, c'est mon épouse qui fait les meilleurs plats. Masha'Allah, on sort le téléphone, photo. Regardez ce qu'on mange à la maison. Ah, moi, la semaine prochaine, je vais faire meilleur que toi. Moi aussi. Et tanafus fi dunya. Hada tanafus alladhi yuhliku an-nas. Cette concurrence dans la dunya, cette concurrence qui amène les gens à la perdition. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Al-haakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir. La concurrence dans l'augmentation des gains vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. فهذا التنافس أيها الإخوة يضر الناس في دينهم. Cette concurrence, oh chers frères, elle fait du mal aux gens dans leur religion. فتجد الرجل لا يستطيع أن يصلي في المسجد من أجل هذه الوظيفة. Cet homme ne peut pas prier à la mosquée à cause de ce travail dont il est fier. أولاده يتعودون على ناقوس الكنيسة أكثر من أذان المسجد. Ses enfants, ils s'habituent aux cloches de l'église plus qu'aux أذان de la mosquée. Hein? Quand on entend les cloches de l'église tous les jours, les enfants qui s'habituent à ça. يتعلمون من الشرك ما الله به عليم. Les enfants qui apprennent le polythéisme, une quantité que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. ونحن هنا موجودون. Et on est là. ما الذي يمنعنا من الفرار بديننا وبدين أولادنا. Qu'est-ce qui nous empêche de fuir pour sauver notre religion ainsi que la religion de nos enfants? Tu demandes à n'importe quel jeune, parmi les jeunes qui malheureusement sont accrochés à cette dunya, tu lui dis viens, on part, on va vivre au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie. Viens. En général, quelle est la réponse? Ah non, moi je suis trop bien ici. Ah non, là-bas, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas? La dunya. On veut la dunya. Hatta fi alladhina yuriduna al-hijra. Même ceux qui veulent la hijra. Non. On veut la hijra, mais avant, la Bouddha minbina ibeit. Il faut absolument construire une maison avant de faire la hijra. Ça, c'est une condition. Comme les conditions de la prière. Tout ça à cause de al-tanafus. La concurrence fi dunya. فهذا التنافس أيها الإخوة يمنع الناس من التنافس في الآخرة. Cette concurrence dans la dunya empêche aux gens de se concurrencer pour l'au-delà. بل يمنع الناس من القيام بالواجبات. Encore pire que cela, cette concurrence empêche aux gens d'accomplir les obligations. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit sabiqou ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard. Concurrencez-vous pour un pardon de votre Seigneur et un paradis qui est large, qui est grand comme les cieux et la terre. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تبارك وتعالى دين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. Certes, les pieux sont dans des délices. Sur les divans, ils regardent les bienfaits qui leur sont accordés. Ils regardent leur Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Ce ne sont pas les délices que tu vois ici-bas. Ce sont des délices dont tu ne peux pas imaginer. Ala al-ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Tu reconnais sur leur visage l'éclat de la félicité. Tellement joyeux, tellement content de ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a octroyés. Yusqawna min rahiqin mahtoum. On leur verse un nectar cacheté, une boisson si douce, si délicieuse, un alcool qui ne va pas les enivrer et qui ne donne pas mal à, qui ne donne pas mal à la tête. Khitam ou misk, qui laisse un arrière goût, une odeur de musc. Et c'est en cela que doivent se concurrencer les concurrents. Fil Jannah, on doit se concurrencer pour le paradis, les frères. C'est pas pour ces demeures, quelques demeures que tu vas avoir. Allez, une maison de 1000 mètres carrés, mashallah. Est-ce que c'est pour ça que tu dois te concurrencer? Allez, une maison grande comme la France, yallah hat. Une maison grande comme l'Europe. C'est pour ça que tu dois te concurrencer? أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je connais le dernier qui sort de l'enfer, le dernier qui sort du feu, et le dernier qui rentre au paradis. Rajulun yakhruju minan nari zahfan. Un homme qui sort du feu en rampant, fatigué, épuisé. Il sort du feu en rampant. Tata Khayel, tu sors du travail en rampant, tellement tu es fatigué. Il sort du feu en rampant. Fayuqalu la idhhab fadkhul al-jannah. Alors il sera dit: va et rentre au paradis. Fayukhayyal ilayhi annaha mal'an. Alors on lui fera croire que le paradis est plein, il n'y a plus de place. Il revient en disant: oh Seigneur, je l'ai trouvé plein, j'ai trouvé le paradis plein, il n'y a plus de place. Alors il sera dit: va et rentre au paradis. Alors encore une fois, on lui fera voir que le paradis est plein. Il revient vers son Seigneur. Ya Rabbi, au Seigneur, je l'ai trouvé. Fayoukol. Idhab. Fadkhul al-Jannah. Fa'inna laka mislu dunya wa ashrata amfariha. Alors il lui sera dit, va et rentre au paradis, car tu auras l'équivalent de la dunya et 10 fois plus encore. L'équivalent de la dunya et 10 fois plus encore. Fayakoul, ya Rab, et asraru minni. Cet homme tellement choqué, il était dans le feu. Le feu a purifié son cœur. Il revient, il sort du feu, il dit quoi à son Seigneur? Il lui dit, oh Seigneur, est-ce que tu te moques de moi et tu es le Seigneur des mondes? Est-ce que tu te moques de moi? Tellement il est choqué, étonné. Dans une narration, Tadhakoubi, il est choqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Zaka adna ahlil jannati manzilatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit cet homme est celui des gens du paradis qui a le plus bas degré. Le plus bas degré des gens du paradis. Ad-dunya wa ashratu amsalha. Ad-dunya est 10 fois plus. Ayoua kakwa, on doit choisir. Pas aujourd'hui, pose-toi cette question, remets-toi en cause. Dans quoi est-ce que tu cherches la concurrence? Qu'est-ce que tu veux? Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu l'akhir. Il y a parmi vous ceux qui veulent la dunya, il y a parmi vous ceux qui veulent l'au-delà. Pose-toi cette question, parce que tu es seul. Et la réponse va t'aider à avancer. Il dit la vitale. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de purifier nos cœurs, de nous faciliter à tous l'émigration, le délaissement des péchés. On lui demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter la concurrence dans son bien. Et tenafus fil-akhira. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimus salat.